constante de temps tau dipôle RC dans un circuit dipôle RC est caractérisée par une constante de temps notée par tau. Msamiha tau. La constante de temps, la dipôle RC, est égale au produit R fois C. R est résistance, mais le conducteur omit le circuit. Rubama y confie une résistance télémao en série, ou il y a une résistance de la pile. La amistamela, bihal tchirij le condensateur. Fahon, ma fini oul nous. Taux égale résistance tel conducteur ohmique fois C. Là, R fois C désigne la résistance totale équivalente à le circuit. C'est très important à noter la taux égale R fois C, c'est capacité de la mine du condensateur, le farad. Bien. Comment définir la constante de temps taux? Bad ma'arfna imeta. Nous taux égale R fois C, nous avons la définition. Définition, là, la phase de charge et la définition, ou la phase de décharge, quand même, et la définition. Durant la phase de charge, taux tabar est durée durant laquelle la tension UC atteint 63% de la valeur final. يعني الفالور بدها توصل له اللي هو قلنا قبل شوي E فهي الU C لازم توصل ل 0.63 لأنه 63% هي 63 sur 100 هي 0.63 إذن U C إيجال 0.63 فوا E هذا الأداة تو لأنه إحنا مثل ما شفنا بأنه U C كروا بالفاز دو شارج لتوصل لليميت هو E مش كروا لينيارمون ما بتعلى بروبورسيونيلمون بارابور أوتون يعني avec le temps là انما بتعلى بشكل اكسبونسييل فبالبدايه بالبدايه بتلاقي عم يشرج الكوندنساتور بسرعه يعني بوقت تو بيوصل ل 63% من الشارج فينال بينما ليكفي تشريج الكوندنساتور بياخذ وقت ساعتها طويل بالاخر بياخذ حوالي 4 تو 4 تو بعدين كله سوا على بعضه بياخذ 5 تو اذا comment définir la constante de temps tau pendant la phase de charge? C'est la durée au bout de laquelle la tension au bord du condensateur ou la charge du condensateur, la charge ou la tension UC proportionnelle à pardon. Faisant la tension au bord du condensateur atteint 63% de la valeur limite. Amma, définition la taux, la phase de décharge, c'est la durée pendant laquelle, ou bien au bout de laquelle, la tension UC, on entend le UC, à monsieur, chute, l'UC, quelle est la phase de décharge. Mais c'est la durée au bout de laquelle la tension UC atteint 37% de la valeur initiale. L'IOU est déjà qu'il y a E. 0.37 fois E, il dit UC à la date taux. إذن بالمرحلة الأولى بالداتو بتنزل بشكل سريع بتوصل لل 37% والباقيين بيفضوا شوي وشوي بروغريسيفمون بوقت قيمته 4 تو يعني الوقت كله على بعضه بالنسبة للفاز دو ديشارج هو 5 تو مفهوم؟ هيدي بالنسبة للكونستانت دو تون تو دان ديبول إرسي